Balak gère le piano. Welcome to the sun, to the sun. Bender, bender, bender, na bender. Welcome, welcome, welcome. Bender, bender, bender, na bender. Je déploie mes ailes comme un char. Tu vas finir sous le carreau. Les cercles sont complètement paros. Ils sont pas carrés, ils ont paro. Oh, Manu le coq. Oh, Manu le coq. Pourquoi j'ai vendu la coque? Poupi, sorti du coq. Mon état d'esprit est glauque. Je ne peux pas baisser mon froc. Je vais faire tomber mon glauque. Tomber mon glauque. Je ne peux pas baisser mon froc. Je vais faire tomber mon glauque. Tu distrais comme un bel anonyme. Violent comme papa alcoolique. Ce genre de morceau va les terroriser. Charlie Hebdo fera la chronique. Le dentiste a capté les bails. Ce fils de Pouka va à parler justice. C'est bien si le brolic est vrai. Mais à quoi bon sert si les couilles sont factices? Je suis dans le dur, c'est sûr. Depuis l'époque du mur, on vend la pure. Accro à la violence. Oh my god, je dois faire une cure. J'ai charbonné, personne m'a rien donné. Je ne sais pas chanter, je sais que fredonner. Toi qui t'as parlé, mais qui t'as klaxonné. Tapé comme jamais, toi personne te connaît. Euro, dollar, on veut du luxe, m'en fous de lui. Il a pas d'argent, ça sent le poisson. Dégage de là et sort du lit. Alors les garçons, est-ce savant ou savant? Le savoir est une arme, j'ai braqué un savant. Et si un jour tout ça se savait, y'a pas plus lit qu'il faudra sauver. Igo, je déploie mes ailes comme un char. Tu vas finir sur le carreau. Bonne chance pour le carreau. Je parle de baseball, des bébés, fuck Brigitte, Brigitte Bardot. Je me suis fait dans le hall, je cassais mon sang devant Monsieur Diallo. Allo, je vais te faire la peau petit connard. Donc on essaie de me mettre à l'eau. Je suis encore là 20 ans plus tard. Fuck Dago, ce monstre pirate dans son plumard. Le bruit et l'odeur c'est moi. Demande à chaque Chirac. Peine chaque syllabe dans leur mer. Qui on se dilate. J'aime baiser des mexicaines. Demande à Pierre Chinac. Le salaire à Béati, fuck la fuck. Français Bugatti, mettez-moi une de chaque. Igo, je déploie mes ailes comme un char. Tu vas finir sur le carreau. Les chars sont complètement paros. Ils sont pas carrés, ils ont paro. Oh, Manu le coq, oh, Manu le coq. Pourquoi j'ai vendu la coque? Poupi, sorti du coq. Mon état d'esprit est glauque. Je ne peux pas baiser mon froc. Je vais faire tomber mon glock. Je vais faire tomber mon gloc. Direct dans le couscous. Baby I love you. C'est moi contre vous tous. C'est moi contre eux nique. Ne joue pas le voyou. Ça paye pas le loyer. Et je ferai du sale juste pour les nettoyer. Faudra pas cramer les dièves. Ne parle pas au fun. Galapoca. Hello bitch donne ton numéro. Hello bitch donne ton numéro. Oh my god je suis deep. Du coup je vois en rouge comme un grip. Sacrifice égal bénéfice. Je suis ma plus grosse bitch dans un hitch. Raquette dans les baisers. Robert, ouvre-moi, Yannick, non.